Quelle est la sorte de mutation, si imperceptible qu'elle soit, qui va s'opérer en vous, généralement, lorsque vous travaillez, de la décision de l'œuvre à l'œuvre elle-même? Oui, nous en avions déjà parlé, je crois, l'année dernière. Il y a un an et demi, oui. Mm-hmm. Bien, je serais incapable de répéter ce que j'ai dit alors, puisqu'il y a un an de cela. Mais le parti pris général dans ce que je fais est celui d'une continuité linéaire très, très fluide, où l'intervention d'un médium qui transforme insensiblement le matériau sonore initial se fait très insensiblement. En fait, lorsque l'oreille le perçoit, il y a déjà un certain moment que la transformation en cours avait commencé à opérer. Et c'était assez sensible dans un passage comme celui que nous venons d'entendre, où un son très très très léger devient prédominant et finit par modifier complètement la structure sonore et doit aller jusqu'à un renversement presque de cette matière sonore, ce qui est une chose que j'ai très rarement utilisée. C'est, je crois, la seule œuvre dans laquelle il y a en un certain temps de l'action, si j'ose dire, un renversement qu'on pourrait presque qualifier de dramatique. Mais c'est comme ça dans cette œuvre. Et puis voilà, mais je n'ai peut-être pas encore répondu à votre question, comme d'habitude. Il me semble que si.